بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثاني بعد المئة. قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال الرابع عشر بعد 800 814 question. Donc il dit ماذا يتخذ المصلي أمامه إذا أراد الصلاة. Qu'est-ce que celui qui fait la salat doit placer devant lui s'il veut faire la salat. يتخذ له سترة يصلي إليها. Il pense qu'on appelle une sutra, c'est-à-dire un lieu, une chose qui le délimite entre lui et le lieu qu'il est interdit aux gens de passer. Comme cela va arriver, inshallah. Comme dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, quand Rasulullah sallam, il صلى أحدكم فليصلي لسترة وليدنو منها. Que celui d'entre vous qui fait sa salat, alors qu'il fasse sa salat vers une sutra, et qu'il s'en rapproche. D'accord, qu'il s'en rapproche. C'est-à-dire qu'il laisse une distance assez proche de lui et de cette sutra. Et ce hadith montre que c'est une obligation. Car c'est mis sur une forme impérative. Et il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait sa salat sans sutra. Et quand même dans des hadiths, il est venu qu'il ait fait sa salat sans avoir de mur devant lui, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas autre chose à la place. Non. Fumakal. في السؤال الخامس عشر بعد 800 815 question. ماذا يفعل المصلي إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين السترة. Comment doit agir le musalli, celui qui fait la salat, si quelqu'un voudrait passer entre lui et sa sutra. قال يرد, il le repousse, comme dans le hadith d'Abi Sa'id. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. Il a dit que si jamais l'entre vous fait la salat et que quelqu'un veut passer entre lui et sa sutra, alors qu'il le repousse. Et si cette personne insiste pour passer encore, alors qu'il le combat, c'est-à-dire que là il le repousse un peu plus fort, car c'est un shaitan. Car celui qui est muslim, mu'min, qui sait cela, il ne le fait pas. D'accord, il ne le fait pas. Et si jamais il insiste, cela veut dire qu'il est rebelle. Cela ne veut pas dire qu'il est un mécréant. Ça veut dire qu'il veut s'obstiner à désobéir. Il veut s'obstiner à désobéir. Quand il dit shaitan, car shaitan ne veut pas forcément dire mécréant. On peut dire d'un muslim que c'est un shaitan, cela n'inclut pas forcément que ce soit un takfir. Mais pour dire que c'est un grand rebelle qui ne veut pas accepter de se soumettre à un ordre particulier. Sur un sujet particulier, par exemple. Fumakal, fissuel et sadis hachar. بعد 800 816 question. كم مقدار السترة. Maintenant il dit quelle est la taille que cette sutra doit faire. مثل مؤخرة الرحل أي ما يقارب ثلث ذراع. Il faut que fasse à peu près la taille d'une selle, la selle de ce qui revient à peu près à deux tiers d'un bras. Deux tiers d'un bras. C'est à peu près, ouais, deux tiers d'un bras d'arme. Comme dans le hadith d'Aïcha, elle a dit Su'il à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en sutrati al-musalli, faqala, mithlu mu'akhirati rahl. Donc il a dit qu'il est interrogé à propos de cette sutra, quelle taille doit-elle faire. Et il dit comme l'arrière d'une selle, à peu près. Rapporté par un muslim. Oh, j'ai dit bras, on va dire plutôt avant-bras, non. Afouane. Comme les deux tiers d'un avant-bras. Et non pas un bras entier. Deux tiers d'un avant-bras. C'est-à-dire de la main jusqu'au coude. قال ما هي الأشياء التي تقطع الصلاة. Quelles sont les choses qui, justement, coupent la salat, c'est-à-dire la rendent invalide. قال المرأة البالغة عفوا السؤال السابع عشر بعد 800 817 question. قال المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. La femme pubère, c'est-à-dire cela exclut la petite fille ou celle qui n'est pas encore pubère, même si elle est à l'âge de distinction, l'âne ainsi que le chien noir. Ces trois choses-là, si elle met à passe devant le musalli entre lui et sa sutra, elle coupe sa salat, il faut qu'elle la recommence. Comme dans le hadith de Abizar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. Qu'il a dit, صلى الله عليه وسلم, que sa salade est coupée par l'âne ou par la femme ou par le chien noir. ثم قال في السؤال الثامن عشر بعد الثمانمية 818e question, إلى أين يتجه المصلي؟ Vers où se dirige le musulman, celui qui fait la salat? Et c'est Marlouf qui se dirige vers la Kaaba, ce qu'on appelle la Qibla, la direction de la salat. Ça, c'est parmi les conditions de la salat également. والدليل قوله تعالى فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Qu'il a dit, dirige ton visage vers le Masjid al-Haram et vous soyez, dirigez vos visages vers lui. Surat al-Baqarah, la page verset 144. Car auparavant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans faisaient la salade vers Bayt al-Maqdis, qui se trouve en Palestine. Et après, cela a été abrogé par ce verset-là qui disait qu'il fallait se tourner vers la Kaaba. Quand la fille Souel est assez achar par sa menomia, 819e question. Manoua. Taïb. Afouan. السؤال العشرون بعد الثمانمية 820 question. ما هي شروط الصلاة؟ Maintenant il dit quelles sont les conditions de la salat. Les conditions, les choses sans lesquelles la salat n'est pas valide et qui en elles-mêmes sont externes à la salat. Des choses qu'on doit remplir, qui ne font pas partie de la salat en elles-mêmes, mais si jamais on ne les fait pas, on ne respecte pas, la salat deviendra invalide. En premier lieu, l'islam. Il faut être musulman. Car il est connu que le kafir, ses actes sont refusés. D'accord ? Après, l'aql, avoir la raison. D'accord ? On avait expliqué dans le hadith auparavant que le fou, tant qu'il ne retrouve pas la raison, ses actes ne sont pas comptés. Donc la raison est une chose qui est parmi les conditions. Donc le fou, sa salat n'est pas accepté. La tamise, qu'on appelle l'âge de distinction. Et cela est valable également pour le hadith du fou, le même hadith de Ali, par rapport à l'enfant lorsqu'il devient pubère. Seulement, la puberté n'est pas une condition en soi pour accéder à la salat, mais la tamise, la distinction, qui souvent est atteinte vers les 7 ans. Car à cet âge-là, le professeur Salem a ordonné qu'il faille forcer l'enfant à faire la salat. Et si à 10 ans il ne la fait pas, il faudrait beau, et de le frapper à 10 ans. Et à 10 ans, il n'est pas encore pubère. En général. En 10 ans, il n'est pas encore pubère. Mais il faut le forcer, pourquoi ? Pour l'habituer dès ce moment-là. Après, il dit, Rabi, quatrième, Raf al-Hadath. Être en état de pureté. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ahadikum ahdatha hatta yatawadda. Que Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous, si jamais il n'a pas ses ablutions, tant qu'il ne les fait pas. Khamisan izarat al-najasa. Qu'il n'y ait sur nous aucune chose qui soit impure. Sur nous-mêmes. Wa dalil haqulu ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Et tes vêtements purifiés. Al-Muddathir, verset 4. Après, il dit Sotr al-Awra, le fait de cacher les parties intimes, comme le précédé auparavant. Et le dalil, c'est le Qulu Ta'ala Ya bani Adam, khuzu zinatakum anna kulli masjidin wa kulu wa shrabu, wa la tusrifu innahu la yuhibu al-musrifin. Dans le sens, Allah, il dit Ô fils d'Adam, prenez votre parure dans chaque masjid, c'est-à-dire habillez-vous de sorte à cacher votre partie intime. Ça a été interprété de la sorte pour le verset. Celui qui fait la salat, il s'habille, il ne vient pas nu. Et il cache ses parties intimes. Et buvez, et mangez et buvez, sans gaspiller, car il n'aime pas les gaspilleurs. Al-A'raf, verset 31. Il faut que ces vêtements également, même s'ils soient, ils cachent les parties intimes, il ne faut pas qu'ils soient non plus des vêtements qui soient moulants. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient dissimulées en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne voit ni la peau, et on ne voit ni les formes, de façon précise. Qala sabi'an, septième, dukhul al-waqt. Que le temps de la salat soit arrivé, soit présent. On ne fait pas la salat avant ni après la sortie du temps. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ صَلَاتَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Que la salat est certes prescrite à un temps précis pour le croyant. النِّسَاء, les femmes, verset 103. ثَامِنًا, huitièmement, اِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ, le fait de se diriger vers la Qibla, comme nous l'avons dit auparavant. تَاسِعًا النِّيَّة, le fait d'avoir l'intention. Et avoir l'intention comme celle-ci est valable à la base dans toute chose, dans toute adoration, de façon générale. Et le dalil, c'est le hadith de Omar, radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal amal bin niyat. que les actions ne valent que par leur intention. Le hadith il est connu, muttafaqun alayh. Donc voilà, bihada, s'achève le dirs d'aujourd'hui. On a coulé subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.